إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre troisième assise autour de cette noble risala de son éminence Cheikh ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. Et la risala et le titre, l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qui a contenu dans la nasiha de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. Et nous sommes toujours dans le paragraphe où Cheikh Rabbi Hafidahullah nous transcrit dans ce passage les erreurs, les énormes erreurs dans lesquelles est tombé le Qasimi Rahimahullah. Et pourquoi il nous remonte jusqu'à le Qasimi? Tout simplement parce que chaque peuple et les gens ont leurs héritiers. Et le Halabi, ainsi que Adnan Al-Aur, ainsi que le Ma'arabi, vont vers cette voie, vers la voie, ils ont pris la voie du Qasimi Rahimahullah. Dans leur défense, les gens de l'innovation et de l'égarement, et dans le fait de leur chercher des excuses, et ainsi de suite. C'est pour ça que ceci est très important, pour savoir qu'il n'y a rien qui vient du vide. Il y a toujours quelque chose qui fait que... فَيَقُولُ حَفِظَهُ اللَّهُ وَيَقُولُ عَنِ السَّلَفِيَةِ فِي نَجْدِ أما البلاد المنتشر فيها مذهب السلف الأثرية الخاصة في العقائد فهي بلاد نجد بتمامها، فإنها سلفية الاعتقاد، لكن يغلب عليها الجفاء والغلو. Il cite encore une parole ici de Cheikh de Qasim rahimahullah, où il dit de la salafia qui est à Najd, quant au pays où propager la voie des salafs, la voie qui suit les preuves, surtout au niveau des croyances, c'est le pays de Najd, complètement. Et c'est une salafia qui concerne les croyances. Mais cette salafia, il est dur, il est extrémiste. Ainsi, il dit dans son livre, l'histoire du Jahmite et du Mu'tazilite. Tu vois maintenant, frère en Allah, Azza wa Jal, comment le Qasimi décrit les salafis de Najd, de l'extrémisme, et comme quoi ils sont durs. Et ceci n'est pas étonnant que tu vois maintenant, les mêmes choses sont dites par Ali Hassan, par Adnan Al-Aur, par Abu Hassan et par tous ceux qui suivent leur voie. La même chose à l'islam. Ils les traitent de différents, Al-Jarh wa Tijrih, et ainsi de suite. Et Cheikh, s'il ramène tout ce passage pour nous montrer que Cheikh Ibrahim al-Hayli n'était pas, sa nasiha n'était pas complète, il n'était pas conforme à ce qu'il doit être. Et comme il l'a dit, Hafidhahullah Ta'ala, auparavant, il devait dans sa nasiha montrer les injustes, ici sur lequel on a commis des injustices, et de les désigner par leur nom. Ce que fait Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, ce qu'il va faire Cheikh Rabi' durant cette risala, comme vous allez l'entendre. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ويدافع القاسمي عن ابن عربي الملحد والنصير الطوسي الرافض الغالي، فيقول: لا عبرة برمي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما رحمهم الله بالإلحاد مثل النصير الطوسي وابن عربي وبعض الأشاعرة المتأولين لآيات الصفات وآثارها، فإن ذلك منه ومن أمثاله حمية مذهبية وغيرة على نصرة ما قوي لديه. Et Cheikh de nous dire que le Qasimi défend Ibn Arabi. Ibn Arabi à l'indéfini. Quant à Ibn Arabi avec l'article défini, c'est un nom de science du Malikite. Celui-là à l'indéfini, c'est un grand athée. Les hommes de science ont décrété sa mécréance. Il Qasimi le défend ainsi que Nasser Tosi le Rafidi. Hein, qui a permis aux Tatars de rentrer dans le pays de l'islam et d'écraser les musulmans. Il Qasimi de dire dans son livre, dans le livre Jamal Din Afghani et son époque, à la page 274, il est dit que le Qasimi a dit: il ne faut pas prendre en considération le fait que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et leurs similaires et ceux qui sont sur leur voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de ses miséricordes, le fait qu'ils ont décrété qu'un Nasser Tosi, Ibn Arabi à l'indivini et certains Asha'ira qui ont donné des fausses informations au verset des attributs, il ne faut pas prendre en considération le fait qu'ils aient décrété ces gens-là comme mécréants et comme athées. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement pour défendre leur voix, et par jalousie pour leur voix, et pour faire triompher ce qui est fort chez eux. Hein, tu vois un petit peu comment le Qasimi, il rejette les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de ses similaires, Ibn al-Qayyim et d'autres, dans le fait de rendre mécréant Ibn Arabi et Nasser Tosi. يقول الشيخ: وينقل عن ابن عربي في كتابه قواعد التحديث في عدد من المواطن يقول فيها: وقال الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي قدس الله روحه في فتحاته ولا يحدر مما في هذا الكتاب من الإلحاد والكفريات وتحريف كتاب الله، ومن إلحاده قوله في وحدة الوجود: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، ويرويه بعض الصوفية: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف، ومعناهما متقارب. الشيخ دو ندير شيخ ربيع حفظه الله تعالى دو ندير Et il copie, il transcrit dans ses livres, dans son livre, c'est-à-dire le Qasimi transcrit dans ses livres, dans son livre, surtout les règles du hadith, il transcrit des paroles de Ibn Arabi Hada à l'indéfini, dans beaucoup d'endroits. Il dit de lui « Al-Shaykh al-Akbar » avec il utilise le relatif ici. Le superlatif, là, je sais plus comment vous l'employez pour grandir une chose. وقال الشيخ الشيخ الأكبر دي. Il l'appelle Muhayyiddin ibn Arabi. Le revivificateur de la religion ibn Arabi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore sa sainte âme. Il dit dans son livre, le Futuhat, le Makkiya, c'est un livre plein de déviance et de mécréance à l'islam. Il Qasimi, il prend des paroles de ce livre. Il dit de ce tome que les hommes de science ont décrété sa mécréance que c'est Cheikh al-Akbar. Il fait partie du athéisme et de la mécréance de ce Ibn Arabi, c'est qu'il dit il croit en l'unicité de l'existence, c'est-à-dire la créateur, le créateur et la créature, c'est une seule chose, comme dans son poème où il est dit: le souverain, c'est un serviteur, et le serviteur est un souverain. Comment il doit lui être obligatoire des choses. C'est-à-dire, puisque le serviteur est un sevrain, pourquoi il doit y avoir des choses qui lui soient obligatoires à faire? Tu vois un petit peu, il met le serviteur et le créateur la même chose. Et ceci est rapporté dans une autre expression par les Sophies. Mais ça revient au même. Le contenu est identique. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كونسيرنو ابن عربي يقول فهو تائه لا يؤمن بما جاء به الرسل ونص عليه القرآن من أن الله خلق العباد لعبادته فالرسل كلهم قال الله عن رسالتهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى نديد ابن عربي il est perdu, c'est un homme perdu, c'est un homme égaré, errant. Il ne croit pas en ce qui a ramené les messagers alayhi salatu wassalam. Il ne croit pas en ce qui est annoncé dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour l'adorer. Et que tous les prophètes, tous les messagers alayhi salatu wassalam, Allah a dit de leur message alayhi salatu wassalam, tous, dans cette traduction approximative, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, et le messager a donné à son peuple adorer Allah, éviter tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait partie de ces populations, des communautés des prophètes alayhi salatu wassalam, ceux qui ont cru, et certains ont mérité le garment. Et il est dit dans le verset, allez sur la terre et regardez ce qui est arrivé à ceux qui ont démenti le messager alayhi salatu wassalam. Prenez la leçon. Tu vois, à l'islam, que le Qasimi, dans ce que nous a cité Cheikh Rabi Havidallah Ta'ala, détruit la parole de Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres, concernant Ibn Arabi, concernant Nasir Tosi. Il décrit Ibn Arabi par Cheikh al-Akbar. Il transcrit il ramène des choses de son livre qui est le Futuhat al-Makkiyah. Ce livre contient la mécréance. Contient la mécréance et la déformation de la parole d'Allah. Ibn Arabi, il croit en l'unicité de l'existence à l'islam. Tout ceci, c'est cher, il nous le ramène. C'est pour être éveillé et ne pas gober tout ce qu'on entend. Et pour savoir que les hommes de la réfutation, ceci doit attirer notre attention sur le fait que les hommes de la réfutation et de l'éloge, ce sont des gardiens, ce sont des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force pour garder la pureté de cette religion, que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, que Allah subhanahu wa ta'ala allonge leur vie dans l'obéissance à Allah et dans cette défense de cette religion. يقول الشيخ ربيع وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et Cheikh de le citer pour refuter les positions d'Ibn Arabi, le verset où il dit « Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. » يقول الشيخ عن ابن عربي وهذا الرجل لا يؤمن بأن الله خلق الجن والإنس لعبادته فهو يقول بسقوط التكاليف عن العباد مضادة لما بعث الله به الرسل ومضادة لما نص عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمين بالإضافة إلى قوله بوحدة الوجود ويقول بتفضيل الأولياء من أمثاله على الأنبياء والرسل. إيه اللي حفظه الله تعالى Il dit, Habibullah Ta'ala, Cheikh Rabih, cet homme, c'est-à-dire Ibn Arabi, ne croit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le djinn et les humains pour l'adorer. chef de nous dire Habibullah Ta'ala que cet homme, c'est-à-dire Ibn Arabi, ne croit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains pour l'adorer. Donc, il leur enlève leurs devoirs, il les allège de ses devoirs, il dit vous n'avez pas besoin d'adorer Allah. Les obligations, vous ne devez pas les faire. Et ceci est en contradiction avec le message avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers alayhi wa sallam. Et c'est aussi la contradiction flagrante avec ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna et les choses sur lesquelles il y a l'unanimité des musulmans. En plus de ça, il dit l'unicité de l'existence. Hein? Il a l'unicité de l'existence quoi Allah et les créatures c'est la même chose. Les créatures et Allah c'est la même chose. Et il dit aussi, il met en préférence, il met les alliés d'Allah qui sont mieux comme lui, mieux que les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Et en plus de ça, il met l'awliya au-dessus des prophètes et les prophètes au-dessus des messagers alayhi salatu wassalam. Tu imagines un petit peu, akhal islam. Il Qasimi, il va, il l'appelle à Sheikh al-Akbar. Il ramène des paroles de cet homme dans ses livres. Il fait ses éloges. Il critique Sheikh al-Islam, le Taymiyyah et les autres parce qu'ils ont décrété sa mécréance. Où est-ce qu'on va ? ومن أقواله في هذا مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. Il fait partie de ces paroles dans tout ça, il dit, dans une poésie, dont, il dit, la position des prophètes, elle est dans un endroit au-dessus des messagers et plus bas que la place des wali. T'imagines un petit peu, le wali, il est en haute sphère, il vient en deuxième degré. Le prophète, il vient en troisième degré, les messagers, alayhi salatu wassalam. Regarde, akhal islam, regarde ces catastrophes, comment Ibn Arabi, hadha nakira, à l'indivini, annule les obligations pour les serviteurs d'Allah, jinn et humain. Et regarde qu'il met dans la préférence comme quoi les awliya sont au-dessus des prophètes et que les prophètes sont au-dessus des messagers et qu'en troisième degré vient tout simplement les messagers. Regardez, فهو يعاكس العقائد الإسلامية الصحيحة وما جاء به القرآن والسنة. Donc Ibn Arabi, il est en contradiction avec les croyances islamiques authentiques et ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna. فيفضل الأنبياء على الرسل ويفضل الأولياء على الأنبياء والرسل. Et il met en premier d'abord les prophètes et après les messagers, et il met l'Aulia en premier degré avant les prophètes et avant les messagers. ويقول بوحدة الأديان. Ibn Arabi dit aussi parle avec l'unicité des religions. ومن شعره في هذه العقيدة قوله عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. فهو يؤمن بكل العقائد الكفرية اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوكية ووحدة الوجود. في partie de sa poésie qui montre comme quoi il croit en l'unicité des religions, il dit les créatures ont cru en Allah certaines croyances. Et moi, je crois tout ce qu'ils ont cru. Et Cheikh Rabi' de nous dire, ça veut dire qu'Ibn Arabi, il croit en toutes les croyances de mes croyances. Judaïques, chrétiennes, zoroastriennes, hindous, l'unicité de l'existence et ainsi de suite. Tu vois un petit peu de quel Qasimi il écrit. يقول وهو يرى أن أهل النار ينعمون كما ينعم أهل الجنة فيقول: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوجود الحق عين تعاين، فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لدة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صائن. Et Ibn Arabi voit que les gens de l'enfer sont dans les délices, dans l'enfer comme sont les gens du paradis dans le délice, a'oudou billah. Il le cite dans tout le poème que vous avez entendu en quatre vers, il cite ça, il dit que c'est la même chose. C'est-à-dire le délice du paradis, le délice de l'enfer, c'est la même chose, même si on l'appelle azab. Il dit de azab, il transforme le mot azab en udouba, qui veut dire la douceur et le goût exquis. Imagine un petit peu à l'islam. Et Ibrahim al-Ruhayli, dans la réplique qu'a dit, qu'a fait Cheikh Obeid, Habibullah Ta'ala, Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, il a dit, Ibrahim al-Ruhayli a dit que cet homme fait partie des gens de la Sunna, le Qasimi. Pour que tu comprennes à l'islam, pourquoi Cheikh Rabi' ne fait remonter l'histoire. Tu vois maintenant dans ce passage que nous venons de voir, Ibn Arabi voit que les gens de l'enfer se font, sont dans les délices, comme les gens du paradis. Tu imagines un petit peu la contradiction qu'il y a dans ces poèmes et dans cette croyance, la contradiction qu'il y a avec la parole d'Allah, l'authentique de la Sunna et le consensus. Et malgré tout ça, le Qasimi le défend à l'islam. Wa amma at-tawsi fa min adall khalqillah wa min sharr a'da' al-islam wal muslimin. Quant à Tosi, c'est la créature la plus égarée parmi les créatures d'Allah, et le plus grand et le plus grand ennemi de l'islam et des musulmans. Qala fihi l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah fi ghatat al-lahvan walamma intahat an-nawbah ila nusayr al-shirk wal-kufr al-mulhid wazir al-malahida an-nusayr الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول الكريم وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسعرة ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق العرش إليه إله يعبد البتة. ولمتنون سكدير إمام بن القيم رحمه الله ضيغاتة اللهفان بالطوسي هذا الطوسي كدفو القاسمي اللي كنت اللي فني لغول du grand triomphant de l'associationnisme et de la mécréance. Le ministre des athées et des mécréants, Nusayr Tawsi, le ministre de Hulako, il a assouvi sa soif et sa haine des disciples du messager alayhi salam et de leur religion. Il les a exposés à l'épée, il en a tué et il a assouvi sa haine ainsi que la haine des mécréants. Et il a tué le calife, les juges, les jurisconsultes, les muhadditines, les hommes de science. Il a laissé à côté de lui tout simplement les philosophes, ceux qui s'occupent de la science des arts, des astres, les naturistes, ceux qui croient en la nature, etc., les sorciers, et toutes les bourses qui étaient aux écoles, aux mosquées, aux endroits réservés aux étudiants, etc., et aux hommes de bien. Il a tourné toutes ces bourses vers ces philosophes et vers ces athées, vers ces mécréants qui sont devenus ses particuliers et ses alliés. Et il a fait triompher dans ses livres comme quoi le monde est ancien, et il a rejeté le fait qu'il y a la résurrection, les contes, et il a rejeté, il n'a pas reconnu les attributs d'Allah, la science d'Allah, la puissance d'Allah, la vie d'Allah, l'huile d'Allah, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit qu'Allah n'est pas dans le monde, n'est pas à l'extérieur du monde, et il dit qu'il n'y a pas sur le trône une divinité qui s'adore. Abadan. Comme ça il a parlé à l'islam. Et regardez, c'est un qui a suivi, Nusayr al-Tusi, Hada Nusayr al-Shirk, c'est la même chose que veulent Rawafida de nos jours, à suivre leur soif contre les gens de la Sunna et les gens de la Sunna, et se venger pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils croient et croient. Pourquoi Omar ibn al-Khattab et les compagnons ont détruit la plus grande des puissances, où nous avions une puissance, nous étions au devant, etc. Ils ont détruit. Et c'est pour ça qu'ils combattent les gens de la Sunna, ils veulent les anéantir. Voici, ils ont toujours cette haine que les cavaliers d'Allah et ceux qui ont fait triompher la Sunna du prophète alayhi salam et sa religion, et écraser l'associationnisme, le zoroastrien, l'adoration des feux, et ainsi de suite. Ils ne se soucient pas de l'islam et de faire triompher de l'islam. Comment ils peuvent se soucier de l'islam, c'est la wafil, alors qu'ils rejettent le Coran que nous avons, alors qu'ils insultent et qu'ils rendent mécréants les compagnons du noble prophète alayhi salam qui nous ont transmis cette religion. Yaqul wal kalamu la zala li ابن القيم رحمه الله واتخذ للملاحدة مدارس ورامج على إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك فقال هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi de continuer de nous dire sur ce Tusi, il a pris les athées dans les écoles, c'est-à-dire pour enseigner. Il a essayé de faire d'un livre de Ibn Sina l'imam des athées. Il a essayé de remplacer le Coran par le livre de cet imam de ce athée qui est Ibn Sina Avicenne. Mais il n'a pas pu le faire. Et il a dit, finalement, quand il n'a pas pu le faire, il a dit, le livre d'Ibn Sina, c'est le Coran des particuliers. Et le Coran, c'est le Coran pour l'awam. Il a essayé de changer la prière et de faire que les prières soient que deux prières. La situation ne s'est pas accomplie pour lui. Et après, il a appris la sorcellerie. Et à la fin, il est devenu un grand sorcier qui adorait les statues. Voilà, hada c'est Tusi que défend le Qasimi. C'est ça Tusi, Nusayr Tusi que défend le Qasimi. Comment on peut dire de le Qasimi qu'il fait partie des gens de la Sunna? Avec sa défense d'Ibn Arabi, avec sa défense de Tusi, avec comment il a critiqué Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et les autres. يقول والكلام لا زال لابن القيم وصارع محمد الشهرستاني بن سينا في كتابه سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدام العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم فقام له نصير الإلحال وقعد ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارعة ووقفنا على الكتابين نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنه لا يعلم شيئا وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور. إي محمد الشهرستاني رحمه الله combattu et répliqué Ibn Sina dans un livre qu'il a appelé le Musara'a, le combat, dans lequel Muhammad Shahrustani a annulé le fait de dire que le monde est ancien et le fait de ne pas croire au delà et on les compte et la résurrection et le fait d'annuler et de ne pas croire en la science d'Allah, en sa puissance, et le fait de ne pas croire en quoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde. Et Mohamed Shahrostani s'est affronté ce livre. Et il a anéantissé les ambiguïtés, les erreurs qu'il y a dedans et les mécréances qu'il y a dedans. Nous serons tous Hada, qui est plutôt l'homme qui fait triompher la mécréance. Il s'est levé, il a fait tout ce qu'il avait en sa puissance pour annuler le livre. Il a critique, il a réplique de Cheikh Mohamed, de Mohamed Shahrostani, rahimahullah, dans un livre qu'il a intitulé « Le combat du combat ». Le combat contre le combat. Et Ibn al-Qayyim de dire, nous avons vu les deux livres. Et il dit que le livre de Tosé, il a fait triompher dedans comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les cieux et la terre en six jours. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait rien. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien avec sa puissance et son choix. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressuscite pas ceux qui sont dans les tombes. Hada, c'est Nusayr Tusi, l'homme qui fait triompher la mécréance. وبالجملة فكان هذا الملحد هو واتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Et maintenant, la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullah, elle dit en général, cet homme, cet athée, ce mécréant avec ses disciples, parmi les athées et les mécréants, mais croyons en Allah, en ses gens, en ses livres, en ses messagers, en l'au-delà. Hada sittosi, que défend le Qasimi. يقول الشيخ ربيع خامسا ويقول القاسم في ميزان صفحة 14 في دفاعي عن القدرية وغيرهم وحاشا لمؤمن عالم أن يخالف كتابا أو سنة عامدا متعمدا فهم مجتهدون متابون إذ لم يألوا جهدا فيما ذهبوا إليه. Regarde encore une autre catastrophe de القاسمي que nous cite Cheikh Rabi حفظه الله تعالى comme cinquième point dans les énormités qui est chez القاسمي dans son mizan. Mise à l'ajal hawa ta'dil de l'Qasimi, à la page 14, il dit, il défend les qadaristes, ceux qui ne croient pas en le destin, et d'autres. Il défend les qadaristes et d'autres, Moubtadia. Il dit, nous croyons, impossible qu'il soit en divergence avec le livre ou la sunna volontairement. Il dit, ce sont des... Ils ont fait des efforts d'interprétation, ils auront de la récompense. Parce qu'ils ont fait l'effort d'interprétation dans les voies qu'ils ont pris. C'est une défense pour la voie des qadaristes à l'islam. Il excuse leurs énormités et leur égarement par le fait qu'ils ont fait un effort d'interprétation. Tu imagines un peu à l'islam. يقول الشيخ ربيع وهذا رد لعقيدة أهل السنة في أهل الأهواء وأنهم يخالفون نصوص الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ويطعنون في أهل السنة ويدمونهم أشد الدم لتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, حفظه الله تعالى, الشيخ ربيع, et ça, c'est le fait de rejeter la croyance, disons, de la sunna en ce qui concerne les gens, des passions qui suivent leurs passions. Comme quoi ces gens qui suivent leur passion sont en divergence avec les textes et avec la sunna et avec la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et en plus de ça, ils critiquent, ils dénigrent les gens de la sunna. Ils les blâment, des grands blâmes. Ils les blâment pourquoi? Parce que tout simplement ils se cramponnent au livre et à la sunna du messager alayhi salatu wassalam. سادسا ويرى أن مجتهدي كل فرقة من فرق الإسلام مأجورون أصابوا أو اخطأوا بنص الحديث النبوي. سيزيامو ها القاسم il voit que ceux qui font des efforts d'interprétation dans chaque groupe parmi les groupes de l'islam sont récompensés. S'ils touchent vrai, ils auront une récompense, et ils seront, s'ils touchent vrai, ils auront de récompenses, et s'ils ont le faux, ils sont dans le faux, mais ils auront une récompense en prétextant, en prenant comme preuve le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu vois un petit peu, akhir islam, dis, là tu comprends, l'importance de chercher les dîmes de la communauté et de se cramponner à leurs paroles et à leurs interprétations et à la voix à laquelle ils sont. Le Qasimi, ici, à l'islam, rejette la raqida des gens de la sunna dans ce qui concerne le jugement vis-à-vis des gens qui suivent leur passion. Il prétend pour eux qu'ils sont dans leur égarement, dans le voie, qu'ils sont dans un effort d'interprétation, qu'ils auront une récompense sur cela. T'imagines un peu, akhi l'islam. Yaqul al-Sheikh Rabi' wa nasi al-miskin tahdhir Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min ahli al-ahwa wal-bid'ah wa minhum al-khawarij الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الذم في عدد من الأحاديث الصحيحة. الشيخ ربيع de nous dire, et ce pauvre, c'est-à-dire Al-Qasimi, a oublié l'avertissement du messager alayhi salatu wasalam concernant les gens qui suivent leurs passions, qui suivent les innovations. Il fait partie de ceux-là qui ont reçu l'avertissement du messager alayhi salatu wasalam, le khawarij, que le Rasoul sallallahu alayhi wasalam a blâmé. Des grands blâmes dans beaucoup de hadiths authentiques. ومن ذلك وصفه لهم بأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ومن ذلك حثه الأمة على قتلهم أين وجدوا. Et fait partie de ces blâmes qu'ont reçus ces khawarij de la part du messager alayhi salatu wasalam, c'est que le Rasoul sallallahu alayhi wasallam les a décrits ainsi: ils sont les pires et les plus mauvais de la créature. Et qu'ils sortent de la religion comme sort la flèche du gibier. Et aussi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a incité la communauté à les combattre là où ils se trouvent. وقد قاتلهم صحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كفره الخوارج وكفروا كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم ذهبوا يكفرون المسلمين بالذنوب مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة. Et les nobles compagnons de Allah عليهم les ont combattu les khawarij. Et à leur tête, le noble calife Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah, les khawarij, ils ont décrété la mécréance de Ali radiyallahu alayhi. Ils ont décrété la mécréance de beaucoup de nobles compagnons. Et à leur tête, le noble calife Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah, ne l'ont-ils pas assassiné? Et après, ils sont allés rendre mécréants les musulmans qui tombent dans des péchés capitaux. Et tout ceci est contraire au texte du livre et de la sunna. Ces textes, frère en Allah, Zawajal Kassiti, cher ici, prouve quoi? Prouve le blâme des gens qui suivent les passions et les innovations. Comment on peut dire qu'ils seront récompensés dans leur effort d'interprétation? Abedan, ils sont déjà dans la divergence. Ils sont en contradiction avec les textes. يقول الشيخ حفظه الله ونسي هذا الرجل قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. Et il dit, Habidallahu ta'ala, et cet homme, c'est-à-dire Qasim, a oublié cette parole d'Allah dont la traduction approximative nous dit ceci: c'est lui qui a descendu sur toi le livre. Dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs, qui sont la mère et l'origine du livre, et d'autres qui sont ambigus, et qui ne sont pas clairs. Quant à ceux qui ont de la diligence dans le cœur, ils suivent ce qui n'est pas clair pour chercher le fitna et pour chercher à lui donner une fausse interprétation. Il ne connaît son interprétation qu'Allah. Et ceux qui sont ancrés dans leur science disent: nous croyons en tout. Tout vient d'Allah Azza wa Jal. Et se rappellent ceux qui sont doués de raison. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقب تلاوتها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Et aussi la parole du prophète, quand il a cité ce verset, il a dit: si vous voyez ceux qui suivent, ce qui n'est pas clair, ceux-là, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désignés, faites attention à eux. ونسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا مسلك حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. إيه il dit aussi le Qasim a oublié cette parole du prophète alayhi salam rapportée par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim qui dit vous allez suivre la voie de ceux qui sont passés avant vous en pont par en pont et coudé par coudé, même s'ils rentrent dans le trou d'un varon vous allez y rentrer. Nous avons dit ya Rasulallah, qui? Les juifs et les chrétiens? Il a dit qui c'est? C'est à dire que ce sont ceux là et ça c'est un hadith qui prouve la véracité de ce messager alayhi salam et l'un des signes de la prophétie du prophète alayhi salam, puisque les choses sont arrivées comme il a dit alayhi salam. يقول الشيخ ربيع حفظه الله وقد حصل هذا من فرق الضلال الذين يدافع عنهم هذا القاسمي. Il dit حفظه الله تعالى et ceci est arrivé des groupes égarés que des faux قاسمي. يقول ونسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد. إلى أبلي القاسم أبلي دي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ici la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit les gens du livre se sont divisés dans leur religion sur 72 sectes. Et cette communauté va se diviser en 73 sectes. Hein? Parle des sectes qui vont suivre leur passion. Tous au feu de l'enfer, sauf une, qui est le groupe, il a dit, alayhi salatu wassalam. وقد حصل هذا وصنف في ذلك العلماء المصنفات من أهل السنة ومن غيرهم ونسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et ceci est arrivé, c'est-à-dire de suivre la voie des gens du livre et avoir les divisions de la communauté. Et il dit ceci, حفظ الله تعالى, il dit ceci est arrivé et les gens de science ont écrit des livres parmi les gens de la sunna. Il dit, cet homme, c'est-à-dire Qasim a oublié la parole du prophète, restera toujours une fraction de ma communauté sur la vérité, peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faiblir ou les induire en erreur, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, ils seront dans cette situation-là. Ils seront, ça veut dire, ils seront dans la vérité, cramponnant à la vérité, ils feront prévaloir la vérité. وقد شهد أعلام الأمة لأهل الحديث والسنة بأنهم هم الطائفة المنصورة. Et les emblèmes de la communauté, c'est-à-dire les hommes de science, parmi les hommes du hadith et autres, et les gens de la sunna, ont attesté comme quoi les gens du hadith ce sont le groupe sauvé. وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية المنصورة بأنهم من كانوا على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما باقي الفرق فيصدق عليهم الوعيد بالنار. Et الرسول صلى الله عليه وسلم a délimité عليه الصلاة والسلام, il nous a montré qui est le groupe sauvé et le groupe victorieux, qui est identique, qui est un seul groupe. Il a dit ce sont ceux qui sont sur la même voie que le messager عليه الصلاة والسلام et ses nobles compagnons. Quant aux autres groupes, ils vont de pair avec l'avertissement qu'il y a dans les hadiths, l'avertissement d'être châtié. Hein? Ceux-là, les autres groupes qui ne sont pas dans la même voie que le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons sont concernés par les avertissements qu'il y a dans les hadiths. يقول ونسي اتفاق أئمة الإسلام ومن وراء ومن وراءهم من أهل السنة على دم وتضليل الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغلاة التصوف وتضليل سائر الفرق الذين نص عليهم الحديث النبوي وآمن به العلماء ونزلوا على الفرق الاثنتين والسبعين. Il dit, il Qasim a oublié l'unanimité des imams de l'islam et ceux qui sont venus après eux parmi les gens de la sunna, dont le fait de blâmer et de prendre comme égaré et de rendre égaré le khawarij, les jahmet, le mu'tazila, le murji'a et les extrémistes parmi les sofia et de rendre égaré tous les groupes qui sont concernés par les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et que les hommes de science dignes du nom ont cru en ce hadith et ils l'ont appliqué à ceux qui le méritaient parmi les 72 groupes de cette communauté. Tu vois, après Allah Azza wa Jal, que le consensus des hommes de science, il est sur le fait de prendre comme égaré le Khawarij ainsi que les Jahmites et les autres qui suivent leurs passions et les innovations. Et tu vois que le Qasimi ne va pas dans ce sens-là. Et ça, tu fais l'analogie avec les autres que tu connais maintenant, qui ne prennent pas comme égarés maintenant les Ikhwan al-Muslimin. Abu al-Hassan, il dit que les Ikhwan al-Muslimin font partie de l'Al-Sunnah ou le Jama'a, ainsi que le Tabligh et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? يقول الشيخ ربيع حفظه الله فذهب هذا المسكين إلى مخالفة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فيندح المذمومين الضالين ويطعنوا ويشوه أهل السنة الثابتين ويرميهم بالجهل والتعصب والغلو والتقليد إلى آخره. Il dit ce pauvre, c'est-à-dire en parlant de Qasimi, Cheikh Rabi' dit ce pauvre, il est allé, il a pris une voie qui est de la voie qui est en divergence avec le livre et la sunna et le consensus des gens de la sunna, dans le fait qu'il est allé à faire des éloges aux égarés et à ceux qui doivent recevoir le blâme, et en même temps, dans le sens contraire, il dénigre et il noircit l'image des gens de la sunna et ceux qui sont confirmés sur la sunna. Il les traite d'ignorants, de sectaires, d'extrémistes, d'imitateurs et ainsi de suite. Hein? Va. C'est ce que fait Abu al-Hassan maintenant, et Ali Hassan, et Al-Aur, et les autres à l'islam. يقول الشيخ ربيع وصار على هذا المنهج الباطل ونسج على منواله أبو الحسن المأربي وعدنان عرعور وعلي حسن عبد الحميد في حرب أهل السنة وإسقاط علمائهم ورميهم بالغلو والدفاع عن أهل الباطل والبدع واختراع الأصول الفاجلة لهذا الدفاع المخزي واعتبارهم أهل البدع من أهل السنة واعتبارهم أهل البدع من أهل السنة. Et Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala de dire, et après cette voie fausse, il est allé sur cette même voie, Abu al-Hassan, c'est-à-dire sur la voie de Al-Qasimi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, et Adnan al-Arour, et Ali Hassan Abdul Hamid, dans leur guerre contre les gens de la Sunna, et dans le fait hein, de vouloir faire tomber les emblèmes de la Sunna, et de dénigrer les hommes de la Sunna, et de dire d'eux qu'ils sont extrêmes, tout en défendant les gens du faux et de l'innovation, et tout en inventant des règles fausses pour défendre les gens de l'innovation et le faux clair, et pour défendre les gens de l'innovation contre les gens de la sunna, et considérer les gens de l'innovation comme les gens de la sunna. حتى وصل بهم الأمر إلى الدفاع عن من يقول بوحدة الوجود ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطل صفات الله ويفعل هذا أبو الحسن وعدنان عرعور وينصرهما ويؤيدهما ويدافعهما ويتولاهما علي حسن عبد الحميد وحزبه. إلى situation est arrivée de la part de ces gens à défendre ceux qui défendent celui qui parle avec l'unicité de l'existence et qui critique les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Sayyid Qutb, et qui annule, dépouille de leur sens les attributs d'Allah. Et ceci, celui qui le fait, c'est Abu al-Hassan et Adnan al-Aur, ils défendent tous les deux Sayyid Qutb. Et il est fait triompher dans cette voie, et il est de leur côté, il les aide et il les défend. Il est le rallié Ali Hassan Abdel Hamid et son groupe. Imagine à l'islam. يقول ثم ينحذر أبو الحسن فيدافع بالكذب والخيانات عن أهل وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ويستمر علي حسن ومن جرى مجراه في الدب عنه وإسقاط العلماء الذين ينصحونه ويبينون انحرافه. Et Abu al-Hassan tombe encore plus bas et il défend faussement et avec trahison, il défend avec le faux, avec le mensonge, il défend hein, les gens qui parle et qui proclame haut et fort l'unicité des religions et la liberté des religions et la fraternité des religions. Et malgré tout ça, Ali Hassan et ceux qui sont dans sa voie défendent cet homme. Ils veulent faire tomber les dînes de la communauté qui conseillent la communauté et qui montrent l'égarement de cet homme et leur égarement aussi. Éveille-toi, Akhal Islam. Éveille-toi. C'est pas un acharnement. Abadan, c'est une religion et c'est un conseil. Si tu ne comprends pas, appuie-toi sur les paroles des hommes de science qui comprennent et qui veulent que la religion reste pure, Akhal Islam. Ceux-là qui sont Abu al-Hassan, Ar'our, Al-Halabi sont sur la même voie que le Qasimi dans leur défense des gens de l'innovation et des grandes innovations. Quoi de plus grand innovation que les innovations dans lesquelles était Sayyid Qutb? Hein? Il insulte des nobles compagnons. Et malgré tout ça, Abu al-Hassan le défend et Ali Hassan il défend Abu al-Hassan. Adnan Al-Aur le fait aussi, et il est défendu par Ali Hassan. Et Ali Hassan va sur la même voie qu'Abu al-Hassan, dans le fait de défendre l'unicité des religions. Maintenant, tu as compris, j'espère pour toi, Akhal Islam, que tu as compris pourquoi Cheikh Rabi, Hamidallahu Ta'ala, au début de cette réplique, nous a cité les erreurs du Qasimi. Pour qu'on sache que chaque génération a hérité de d'autres. Et vois de qui tu vas hériter, Akhal Islam. Et sache aussi que Cheikh Ruhayli, dans la réplique que lui a fait Cheikh Ubaid, Hamidallahu Ta'ala, dit du Qasimi qu'il fait partie des gens de la Sunna. Voilà pourquoi, pour que tes pendules soient mises à l'heure. Yaqul le Cheikh Rabi Hamidallah. ثم ينحدر علي حسن وحزبه إلى مدح وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان ومساواة أهل الأديان وضلالة أخرى ويمدح من يؤيد هذه الضلالات ويدعو إليها ويبالغ في مدحهم على اختلاف مذاهبهم من روافض وصوفية وعلمانيين فيصفهم بأنهم علماء تقاءات وحكماء وحكام أمناء. Et maintenant, Ali Hassan tombe encore avec son groupe dans le fait de faire les éloges à l'unicité des religions, et à la fraternité des religions, et à la liberté des religions, et à l'égalité entre les religions, et à d'autres grands égarements. Et il fait les éloges à tous ceux qui font triompher ces égarements. Il y a tous ceux qui appellent vers ces égarements. Il va à l'extrême dans les éloges qu'il leur fait, malgré la divergence de leur voix, parmi Rawafid, parmi Sophia, parmi les laïcs. Et il les décrit comme quoi ce sont des hommes de science dignes de confiance, que ce sont des nobles juges et des nobles gouverneurs, et ainsi de suite. ويمدح من يدافع عن هذه الضلالات ويحارب من ينتقدها من أهل السنة. إيه علي حسن في الإلوج de tous ceux qui défendent ces égarements et il combat ceux qui critiquent ces égarements parmi les gens de la Sunna. Hein? أخ الإسلام. Hein? La Risala de Amman que défend Ali Hassan et sa troupe contient l'unicité de des religions et ainsi de suite. Et Adnan Al-Aur, sur une chaîne, fait triompher les dits de l'unicité des religions. Et cher de nous dire, te fais pas avoir par la décoloration de Ali Hassan dans ses positions de Wahdat al-Adiyan. Te fais pas avoir. Il dit en bas de la page, لا يخدعنك ما قال علي حسن الذي أعلن فيه تكفير من يقول بوحدة الأديان وما إليها فإنه ذو ألوان. Il dit, حفظه الله, dans le bas de la page, ne te fais pas avoir par l'écrit de Ali Hassan dans lequel il a déclaré qu'il rend mécréants ceux qui disent et qui parlent de l'unicité de l'existence et qui veulent faire l'unicité de l'existence. Il dit, cet homme se colore, c'est-à-dire il est comme un caméléon. يقول فقد كفر أهلها في تاريخ سابق. ثم لما ظهرت رسالة تتضمن وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان ومساواة أهل الأديان إلى ضلالة أخرى مدحها وأشاد بها واعتبرها شارحة للإسلام وأنها تمثل وسطية الإسلام. الشيخ دو لوغابري الذي علي حسن وي أفون Ils rendent des mécréants ceux qui disaient l'unicité de religion. Mais quand apparut la Risala de Amman, écrite par le roi de Jordanie, qui contient l'appel à l'unicité des religions, et la fraternité des religions, la liberté des religions, l'égalité des religions, et d'autres également, Ali Hassan a fait l'éloge de cette Risala. Et il a dit que cette Risala explique l'islam. Et cette risale représente le juste milieu de l'islam. Naam akha l'islam. ولما انتقد السلفيون هذه الضلالات دافعا عنها هو وحزبه دفاعا مريرا وطعنوا في من ينتقد هذه الضلالات واثنى على هذا الدفاع واهله واثنى على من ايد هذه الضلالات وهم عدد كثير من الروافض وغلاة الصوفية والعلمانيين ولم يتراجع عن شيء من ذلك إلى يومنا هذا. الشيخ ربيع دو دير كونت لي سلفي اون كريتيكي سو سون اتاكي او زيغارمون كي دون لا رسالة دو عمان علي حسن سون جروب اون في ان ديفونس. Ils se sont acharnés à défendre la Risala et à critiquer d'une grande force tous ceux qui ont critiqué les égarements qu'il y a dans la Risala d'Amman. Et il a fait l'éloge de tous ceux qui ont défendu la Risala d'Amman. Il a fait les éloges à tous ceux qui la défendent. Et il a fait l'éloge à tous ceux qui font triompher les égarements dans cette Risala, qu'il y a dans cette Risala. Ils sont un grand nombre parmi les rawafid, parmi les extrêmes de Sophia et parmi les laïcs. Et jusqu'à le jour des chers, il n'est pas revenu sur tout ça. C'est-à-dire Ali Hassan. يقول الشيخ وفي هذه الأيام أعلن عدنان عرعور الدعوة إلى وحدة الأديان فلم يهز ذلك وجدان الحلبي وكأن شيئا لم يكن بل بعد هذا الإعلان شاركه في ندوة في قناة وصال فهل يصدق الحلبي في دعوة وأنه يكفر من يقول بوحدة الأديان؟ إيه سيجوغ سياخ الإسلام يدي الشيخ ربيع إلو نفين غيبليك سيخ سحاب حفظه الله سيجوغ سي عدنان عرعور أبلي فيغ لونيسيتي دليكزيستانس وندي فورمون سيختان فيغسي يعالي الحلبي نبا لوفي لو دوا pour critiquer et pour remettre les pendules à l'heure, comme si rien n'était. Et après cette déclaration de Adnan Arour sur une chaîne de télé, il est venu, Ali Hassan est venu débattre avec Adnan Arour, il a assisté avec lui à un débat dans la chaîne Wissal. Il s'est assis à ses côtés, il y a des certains dans ce débat avec lui. Est-ce que maintenant on va prendre comme véridique le Halabi quand il prétend qu'il rend mécréant ceux qui disent l'unicité de l'existence? Hein? Éveille-toi, Akhal Islam, et ça, ce qui se trame autour de toi. يقول الشيخ حفظه الله ومع كل هذه الضلالات يوجد من يتولاهم ويدافع عنهم ويطعن في من ينتقدهم فزاد الإسلام غربة على غربة. الشيخ حفظه الله تعالى دي دير malgré tous ces égarements, les égarements de Ali Hassan, d'Abul Hassan et ainsi de suite, toutes leurs cliques, il se trouve des gens qui sont leurs alliés, qui les défendent et qui dénigrent ceux qui les critiquent. Ils ont augmenté, ainsi ils augmentent l'étrangeté de l'islam. يقول الشيخ فكان ينبغي للدكتور إبراهيم أن ينصر أهل الحق وأن يبين حال هؤلاء ومنهجهم ووصولهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وليتميز أهل الحق من أهل الباطل فيعرف المسلم أهل الباطل فيحذرهم ويعرف أهل الحق فيأوي إليهم. إيه الشيخ ربيع دو ندير. Donc, partant de là, il était du devoir du docteur Rabi de faire triompher les gens de la vérité et de montrer la réelle situation de ces gens-là et de leur voix, c'est-à-dire la voix des égarés là, qui vient d'être citée, et de montrer le faux de leur fondement par comme quand en accomplissant le commun, ainsi on s'accomplira le conseil pour Allah, pour le livre d'Allah, pour son messager, pour les hommes de science et les gouverneurs des musulmans, pour le commun des musulmans, et pour que le vrai apparaît et que le faux apparaisse, qu'il y ait la différence entre le vrai et le faux, et que le musulman sache le vrai, le faux là où il est pour qu'il y fasse attention, il sache le vrai où il est pour qu'il aille vers le vrai et vers les gens du vrai. Hein? T'as vu, Akhal Islam? Maintenant, t'as compris, Inch'Allah, pourquoi Cheikh Rabi' nous a remonté jusqu'à Al-Qasimi, Rahimahullah. Hein? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans son, dans sa religion. Et n'oublie pas, Akhal Islam, chaque jour, dans chacune de tes prières, qu'ils soient surrogatoires ou obligatoires, tu es en train de demander, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Il faut qu'il reste à ton esprit clair, net, qui sont les gens qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est expliqué dans surat Nisa, à leur tête il y a les prophètes, il y a les véridiques, il y a les martyrs et il y a les vertueux. Les prophètes alayhi salatu salam ont fait la séparation du bien et du mal et ont répliqué au mal. Les véridiques qui ont suivi ces prophètes alayhi salatu salam ont fait du même. Notre prophète alayhi salatu salam a dit, quand un compagnon s'est trompé, il a dit, il a monté Abu Sanabil. Et le verbe monter chez les Arabes, des fois il veut dire, il a fait une erreur, Abu Sanabil. Le véridique qui a leur tête, le noble compagnon, Ridwanullah alayhi, Hada, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda, il a répliqué aux gens de faux. Il a même fait la guerre aux gens qui ont apostasie et qui ont refusé de donner la zakat et qui ont, hein, par leur acte, ont fait la différence entre eux. Salat et zakat. Il a, hein, et ainsi de suite. Hein? Donc les véridiques et les nobles compagnons ont fait, ils font, ils sont véridiques. Abdullah ibn Omar a dit à vous, il est qadariste. Hein? Comme tous les compagnons ont blâmé les khawarij et leurs actes, les martyrs ont fait de même. Le martyr Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il a fait à sa bire quand il cherchait ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair dans le Coran? Ne l'a-t-il pas emprisonné? Ne l'a-t-il pas frappé sur la tête à plusieurs reprises, jusqu'à tel point que Sabir il dit, Ya Amir al-Mu'minin, je suis guéri de la maladie que j'avais. Si tu veux me tuer, tue-moi de la meilleure des façons, mais je suis guéri. Et après il l'a renvoyé dans son pays, il a dit au gouverneur de la ville où il était, que personne ne l'a laissé là à la quarantaine. Et tout le monde l'a laissé à la quarantaine. Et quand il est vraiment guéri, devenu bien, le gouverneur l'a fait annoncer à Omar ibn Khattab et après les gens, hein, ont commencé à lui parler, à être avec lui. Quand il y a eu la fitna, hein, la révolte contre Uthman ibn Affan, des perturbateurs sont venus voir Sabir. Il dit, ton moment est arrivé. Il leur a dit, non, l'homme vertueux m'a guéri. Na'am akhal islam. Et les vertueux de la communauté aussi, et alors peut-être les nobles compagnons, ont répliqué. Et les hommes de science qui ont hérité de ces nobles compagnons n'ont cessé de répéter, de répliquer, et de montrer le vrai du faux. Hein? Depuis l'aube, hein? De l'islam jusqu'à nos jours, Akhal Islam, ne te fais pas avoir par ceux qui veulent t'induire en erreur. Qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité et la clarté. Il nous fasse mourir dans une clarté, dans une voie claire. Et qu'il nous fasse des gens qui se cramponnent à la voix de leur puiseur d'Allah alayhim. Dans nos paroles et dans nos actes à l'islam. En mettant ça en application, en restant derrière les dignes de la communauté à l'islam. Et on arrête là pour aujourd'hui, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu ilaykum. Wa jazakumullahu khairan.